La famille Clavering par Anthony Trollope. Chapitre 1er. Je libre à Bazonne. Les jardins de Clavering Park étaient à environ 300 mètres de la grande maison de pierre, carrée et sombre, qui servait de maison de campagne à Sir Hugh Clavering, 11e baronnet du nom. C'est dans ces jardins, qui n'avaient que très peu d'ornements pour charmer les visiteurs, que je présenterai à mes lecteurs deux des personnages avec qui je désire leur faire faire plus en plus connaissance dans ce récit. C'était alors la fin du mois d'août. Les parterres, les plates-bandes et les pièces de gazon étaient desséchées, flétries et presque hideux, par suite de la longue sécheresse. Dans les jardins que l'on entretient avec soin, les parterres seront fleuris et le gazon conserve sa fraîcheur en dépit de la saison. Mais les jardins de Clavering étaient l'objet de bien peu de soins et de travail, et tout y était jauni, brûlé et desséché. Sur le gazon flétri, se dirigeant vers une porte qui conduisait à la maison, s'avançait une jeune femme et à côté d'elle marchait un jeune homme. « Ainsi vous allez entrer, Miss Brabazon, » dit ce dernier, et le ton dont il prononçait ces paroles indiquait un reproche fortement accentué. « Sans doute, » répondit-elle, « vous m'avez prié de me promener avec vous et je vous ai refusé. Maintenant, vous m'avez détourné de mon chemin et je suis bien décidé à m'échapper, à moins que vous ne m'en empêchiez par force. » En disant ces mots, elle s'arrêta un moment et le regarda en face, avec un sourire qui semblait dire que, s'il avait recours à la force, dans de certaines limites, elle n'en serait pas excessivement courroucée. Mais elle était disposée à plaisanter, lui, au contraire, était d'une humeur fort différente. « Pourquoi ce refus que vous avez opposé à ma demande ?» lui dit-il. « J'avais deux raisons. D'abord, j'ai cru qu'il valait mieux éviter toute conversation avec vous. Voilà qui est aimable pour un vieil ami. Ensuite, reprit-elle, et en parlant, elle fit quelques pas en arrière, effaça tout sourire de ses lèvres et baissa les yeux. Ensuite, j'ai pensé que Lord Dungar ne serait guère satisfait de me voir promener seul dans Clavering Park avec un jeune homme, et qu'il serait surtout mécontent de me voir rôder avec vous, s'il venait à savoir que vous et moi, nous sommes de vieilles connaissances. Maintenant, Monsieur Clavering, j'ai été franche avec vous, et je crois que cela devrait suffire. Ainsi, vous avez déjà peur de lui ? J'ai peur d'offenser ceux que j'aime, et ceux surtout envers qui j'ai des devoirs à remplir. Cela devrait suffire, dites-vous. D'après ce que vous savez de moi, pensez-vous vraiment que cela doive suffire ? Il se tenait debout devant elle, entre elle et la porte, et pourtant, elle ne faisait aucun effort pour s'éloigner de lui. « Qu'est-ce donc qu'il vous faut ? Vous n'avez pas envie, je suppose, de vous battre avec Lord Dungar, et si vous le faisiez, vous ne viendriez pas me trouver, ensuite. Me battre avec lui ? Non, assurément. Je n'ai rien à débattre avec lui, et puis cela ne servirait de rien. De rien, absolument. Il ne relèverait pas votre défi du reste, et vous ne pourriez pas le provoquer sans manquer de foi, à mon égard. En tout cas, vous m'en auriez donné l'exemple. Sottise que tout cela, Monsieur Clavering, ma perfidie, s'il vous plaît d'employer ce mot, est d'une nature toute différente de celle que justifient toutes les lois du monde. Vous êtes une coquette. C'est là mon dernier mot. Allons, Harry, pas de gros mots. » Et elle lui posa familièrement la main sur le bras. « Regardez-moi d'abord tel que je suis, et vous ensuite, et dites-moi s'il pourrait sortir autre chose que la misère d'un mariage entre nous deux. Nous avons le même âge sur le registre paroissial, mais l'expérience du monde m'a donné 10 ans de plus que vous. J'ai 200 livres sterling par an, et je dois à présent 600 livres. Vous avez peut-être le double, et vous en perdrez la moitié en vous mariant. Vous êtes maître d'études dans un collège. Non, mademoiselle, je ne suis pas maître d'études. C'est bien, c'est bien. Je n'ai pas, vous le savez, l'intention de vous offenser. Maintenant, je suis professeur. Et si je continuais de l'être, je pourrais compter sur un revenu assez considérable. Mais je renonce à cet emploi. Vous n'en serez pas plus propre au mariage pour avoir renoncé à votre profession. Lord Dungar, vous le savez, a peut-être 60 000 livres sterling de rente. Je n'ai vu de ma vie pareille effronterie, pareille ambition naïve et sans pudeur. Me défendrez-vous d'aimer un homme parce qu'il a un gros revenu ? Il pourrait être votre père. Il a 36 ans et moi 24. 36 ans. Regardez dans le peerage. Mais, mon cher Harry, savez-vous que vous me tourmentez, et vous aussi, sans raison ? J'étais assez folle quand je suis revenue ici de Nice, après la mort de mon père, pour vous permettre de me réciter des fadès pendant un mois ou deux. Avez-vous alors, oui ou non, juré que vous m'aimiez? Oh, monsieur Clavering, je ne pensais pas que vous abaisseriez à profiter ainsi de la faiblesse d'une femme. Je ne me rappelle aucun serment. Et si je vous ai fait quelques folles déclarations, je n'en ai aucun souvenir. Depuis 2 ans, vous avez dû vous convaincre que tout cela n'était qu'un roman. Si vous prenez plaisir à y reporter vos pensées, je ne peux pas vous en empêcher. Moi-même, peut-être, j'y penserai avec plaisir. Mais jamais je ne reparlerai plus de ce qui s'est passé, ni vous non plus, je l'espère. Si vous êtes aussi noble que je vous ai toujours cru, je sais que vous ne voudriez pas me nuire. Je voudrais seulement vous épargner les malheurs que vous alliez attirer sur vous. Que cela ne vous inquiète point. Il faut alors donner garde une épouse. Or, je peux être pour lui une épouse à la fois fidèle et utile. Et l'amour, vous n'en parlez pas. Je veux l'aimer aussi, monsieur. Croyez-vous qu'un homme ne saurait inspirer de l'amour à une femme sans déborder de poésie, sans avoir le goût de Lord Byron et les agréments de votre personne? Vous êtes bel homme, Harry. Eh bien, allez, vous aussi, sur le marché et tirez parti de vos avantages. Qui vous empêche de chercher à aimer quelque jolie fille avec une jolie dot par-dessus le marché? Julie! Pardon, monsieur, je ne veux pas qu'on m'appelle Julie. Si cela vous arrive encore, je vous quitte à l'instant. Je puis vous appeler Harry, tant je suis votre aîné, bien que nous soyons nés tous deux dans le même mois. Mais je ne le ferai plus à partir d'aujourd'hui. Ainsi, vous osez dire que vous n'avez point de tort à mon égard? Assurément, je l'ose. Quelle folie vous voudriez me faire commettre? Encore une fois, pouvez-vous bien penser que je puisse être votre femme? Quand vous entrerez dans le monde, je serai moi une vieille femme et ma vie sera finie. S'il est vrai que je pouvais être votre femme il y a 2 ans, quand nous demeurions ici ensemble, le puis-je maintenant après avoir vu ce que j'ai vu? À quoi cela servirait-il si j'allais repousser les offres de Lord Ongar et dire à votre cousin, Sir Hughes, à ma sœur et à votre père, que je vais me tenir en réserve pour vous épouser, quand vous serez prêt pour moi? Mais ce n'est pas tout. À l'heure qu'il est, je dois 600 livres sterling et je ne sais pas à qui m'adresser pour les payer, afin que mon mari n'ait pas la tête rompue au sujet de mes dettes, 2 jours après notre mariage. Vous voyez quelle femme j'aurais été pour vous. Qu'en dites-vous? J'aurais pu payer les 600 livres avec l'argent que j'ai gagné moi-même, bien que je ne sois qu'un maître d'études, et probablement je vous en aurais moins reparlé que Lord Ongar avec ses 1000 et 1000 livres de rente. Cher Harry, pardonnez-moi le mot de maître d'études. Je sais bien que vous êtes agrégé de l'université et que le collège de Saint-Cuthbert où vous enseignez est une des plus grandes institutions de l'Angleterre. J'espère que vous serez évêque, j'en suis même certaine, si vous avez seulement envie de l'être. J'ai tout à fait renoncé à entrer dans l'église. Alors vous serez un grand juge, vous serez grand et distingué, vous l'êtes déjà. Si vous pouviez savoir combien je préfère votre sort au mien. Oh Harry, je vous porte envie, croyez-moi. Le monde est devant vous, la carrière vous est ouverte et vous pouvez aspirer à tout. Rien ne brille à mes yeux sans votre amour. Que parlez-vous d'amour? Je ne pourrais que causer votre ruine. Vous le savez aussi bien que moi. Seulement vous êtes assez égoïste pour vouloir continuer un roman qui causerait ma perte, mais qui ferait une agréable diversion à vos études sérieuses. Harry, je vous le répète, vous pouvez choisir votre voie dans le monde. Vous avez la théologie, le barreau, la littérature, les beaux-arts. Si les exigences du travail vous interdisent l'amour à cette heure, dans 10 ans, vous serez tout aussi bien en état d'aimer qu'aujourd'hui. Mais c'est aujourd'hui que j'aime. Eh bien, sachez donc être un homme et ne vous laissez pas maîtriser par l'amour. Vous pouvez choisir comme je vous l'ai dit, mais moi, je ne le pouvais pas. Il me fallait ou bien faire un bon mariage ou m'éteindre obscurément. Et comme ce dernier parti ne me plaît pas, je vais faire un bon mariage. Et cela vous suffit. Il faut que cela suffise. Et pourquoi pas? Vous êtes bien peu poli, mon cousin, et bien différent du reste des hommes. Chacun me félicite de mon mariage. Lord Ongar a plus que la richesse. C'est un homme à la mode et un homme de talent. Ainsi, vous aimez aussi les chevaux de course? Beaucoup. Et le genre de vie qu'il mène? Sans aucun doute. Je prétends aimer tout ce que Lord Ongar aimera. Je sais que je ne puis pas changer ses goûts et par conséquent, je ne l'essaierai pas. Vous avez raison, Miss Brabazon. Vous voulez être impertinent, monsieur, mais je n'y fais aucune attention. Voici la dernière entrevue secrète que nous aurons, et je ne veux pas reconnaître que je me sens insulté. Mais il faut que cela finisse, Harry. Voici 1 heure que je parcours le jardin avec vous, malgré mon refus de tout à l'heure. Il ne faut pas que cela se renouvelle. ou bien il se tiendrait sur mon compte des propos que je ne veux pas qu'on puisse jamais tenir. Adieu, Harry. Adieu, Julie. Pour cette fois encore, cela peut passer. Souvenez-vous que je vous ai confié toutes mes espérances et mon unique souci. Je vous ai parlé avec cette franchise parce que j'ai cru qu'il fallait vous montrer les choses sous leur vrai jour. Je me fie à votre honneur de gentleman pour garder le secret le plus absolu sur tout ce que je vous ai dit. Je n'ai pas l'habitude de répéter de pareilles choses. Je le sais. J'espère aussi que vous ne vous méprendrez pas sur le sentiment qui m'a dicté mes paroles. Tout ce que j'ai voulu, c'est vous faire comprendre que vous devez considérer notre liaison passée comme un roman, que la dure nécessité nous oblige de regarder comme un rêve que nous avons fait ou comme un poème que nous avons lu ensemble. Regardez-le comme vous voudrez. Que Dieu vous bénisse, Harry. Je souhaiterai toujours votre bonheur et j'apprendrai toujours vos succès avec joie. Viendrez-vous chasser avec eux jeudi prochain? Comment, avec Hughes? Non, car lui et moi, nous ne nous accordons pas. Si j'allais chasser à Clavering, ce serait presque en qualité de premier garde-chasse. Ça, il est vrai, une position plus relevée que celle de sous-maître, mais elle ne me plaît pas. Oh, Harry, voilà qui est cruel. Au moins, vous viendrez à la maison. Lord Dungar s'y trouvera le 31, c'est-à-dire après-demain. J'ai de résister même à cette tentation. Je ne vais jamais dans la maison quand Hughes s'y trouve, excepté une fois ou deux par an sur une invitation solennelle, tout juste pour éviter une brouille dans la famille. Allons donc. Et elle lui tendit la main. Adieu, puisqu'il le faut. Je ne sais trop si vous avez l'intention d'honorer mon mariage de votre présence. Assurément non. Je serai absent de Clavering afin que les cloches du mariage ne viennent pas blesser mes oreilles. Je serai dans mon collège. J'espère que nous nous verrons un jour en ville. Très probablement non. Le chemin que je suivrai et celui de Lord Dungar seront tout à fait différents. Supposez même que je réussisse à arriver à Londres. Si vous venez jamais ici voir Hermione, j'ai la chance de vous rencontrer chez elle. Mais vous ne viendrez pas souvent. Cette demeure est si triste et si peu attrayante. Si vous saviez comme ce vieux parc m'est cher. Une fois devenue Lady Ongar, vous vous soucierez peu des vieux parcs. Vous ne savez pas ce dont je me soucierai quand je serai Lady Ongar. Mais comme Julie Brabazon, je vais maintenant vous dire adieu pour la dernière fois. Ils se séparèrent alors, et la jeune femme rentra dans la grande maison, tandis que Henry Clavering s'acheminait à travers le parc vers le presbytère. 3 ans avant que cette scène se passât dans les jardins de Clavering Park, Lord Brabazon était mort à Nice, laissant une fille non mariée, la jeune femme avec qui le lecteur vient de faire connaissance. Il avait une autre fille déjà mariée à Sir Hughes Clavering, et Lady Clavering était cette Hermione dont il vient d'être parlé. Lord Brabazon, dont le titre remontait en droite ligne jusqu'au temps des Plantagenets, était un de ces gentilshommes pauvres, assez rares en Angleterre, dont les revenus ne sont pas à la hauteur de leur rang. Il s'était marié à un âge avancé et n'avait laissé aucun héritier mâle. Et à sa mort, il ne laissa qu'un revenu de 400 livres à partager entre ses deux filles. L'aînée avait déjà trouvé un excellent parti, au point de vue de la fortune, dans Sir Hughes Clavering, et la cadette allait bientôt faire un bien plus brillant mariage en épousant Lord Ongar. Harry Clavering était le fils unique du révérend Henry Clavering, recteur de la paroisse de ce nom, oncle du présent Sir Hughes Clavering, et frère du dernier Sir Hughes. Le recteur, avec sa femme et ses deux filles, Marie et Fanny, demeurait constamment au presbytère, sur les lisières du parc de Clavering, à un bon mille de la maison seigneuriale. L'église se trouvait dans le parc, à moitié chemin entre les deux résidences. Quand j'aurai nommé le capitaine Archibald Clavering, frère de Sir Hughes, et quand j'aurai dit que les deux frères aimaient passionnément le plaisir et l'argent, j'aurais dit tout ce qu'il importe de faire connaître à présent au sujet de la famille Clavering en général. Julie Brabazon s'était fait une volontaire et agréable illusion quand elle avait donné à Harry Clavering le titre de cousin. Il était cousin germain du mari de sa sœur Hermione. Mais entre elle-même et Harry, il n'y avait pas l'ombre de parenté. Après la mort du vieux lord de Brabazon, décédé à Nice, elle était venue à Clavering Park et avait étonné ceux qui connaissaient Sir Hughes en prenant pied dans la maison du moins hospitalier des hommes. Ni la charité, ni les liens de famille ne l'auraient déterminé à offrir un asile à la sœur de sa femme. Lady Clavering, qui avait une grande beauté et avait été une femme à la mode, avait pu employer son influence, mais d'ordinaire, Sir Hughes n'en faisait qu'à sa tête. Julie Brabazon avait dû par conséquent se rendre agréable et probablement aussi utile dans la maison. 2 années de suite, on l'avait menée à Londres pendant la saison, Ella l'avait tenu son rang parmi les plus belles. On l'avait menée aussi sur le continent, car Sir Hughes se souciait peu de Clavering Park, excepté pendant les 6 semaines de la chasse aux perdrix. Elle avait été avec sa famille à Newmarket et dans la maison d'un duc, grand chasseur, ami intime de Sir Hughes. Elle avait accompagné sa sœur à Brighton, quand il plaisait à Sir Hughes de rester seule chez le duc, et enfin, elle était revenue à Londres où elle avait conclu son mariage avec Lord Ongar. Les amis des trois familles, Brabazon, Clavering et Corton, tel était le nom de famille de Lord Ongar, s'accordaient à dire que Julie Brabazon avait bien mené la partie. Pas un mot n'avait été dit de sa liaison avec Harry Clavering, ou si quelques mots avaient été échangés entre elle et Hermione, les deux sœurs s'étaient arrangées pour que cela n'allât pas plus loin. Pendant les quelques mois qu'avait duré le roman de Julie, Sir Hughes avait été absent et Hermione occupée à mettre au monde un héritier. Julie avait alors achevé son court poème, terminé son seul sonnet, et elle était prête à traiter sérieusement les affaires de ce monde.